إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعادنا الله وإخواننا الموحدون في مشارق الأرض ومغاربها من النار، أما بعد، أحبتي الكرام، نستأنف بإذن الله في هذا الدرس، وحديثنا يكون حول القواعد الخمس الكبرى. Donc, بإذن الله, mes frères, les sœurs, durant ce dars, on va étudier les cinq principaux fondements de jurisprudence. Les cinq principaux fondements de jurisprudence. Al-qawa'idu al-fiqhiyya al-khams al-kubra. C'est vrai qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de principes, beaucoup de bases de jurisprudence, mais al-ulama sannafu wa sannbatu min al-kitab wa sunna, ils ont déduit du livre d'Allah jalla wa ala et de la sunna les cinq grandes règles ou principes ou fondements de al-fiqh, de la jurisprudence. Wa al-qa'idatu lughatan hiya al-asas, asas al-shay'i wa asluhu. Donc dans la langue arabe, al-qa'ida, c'est-à-dire le fondement, c'est al-qa'ida en langue arabe, c'est le fondement de la chose, c'est la base sur quoi la chose tient. Wa jam'uha qawa'id, et le pluriel de qa'ida c'est qawa'id. Wa hiya asas al-shay'i wa asluhu. Hissiyan kana dhalika, donc que ça soit dans le sens sensoriel, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut toucher, notamment par rapport à une maison, c'est-à-dire les fondements, ou moral, ou dans un sens moral, ici dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Et dans sourate al-Baqara, pour montrer le sens de al-qa'ida, du mot fondement, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les fondements, les bases de la Kaaba, ô notre Rabb, Rabbana, accepte ceci de notre part, c'est toi l'audient, l'omniscient. C'est toi l'audient, l'omniscient. وَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى كَذَلِكَ فِي سُورَةِ النَّحْلِ verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Et aussi dans sourate النَّحْلِ, Allah jalla wa ala, il dit: ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté, mais Allah attaqua les bases même de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne l'attendaient pas. D'où ils ne l'ont pas senti. Donc ici, on a le sens de Al-Qa'ida, la base, le fondement. ويقول القرافي رحمه الله ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. Et des paroles de Al-Qarafi, rahimahullah, il dit: et celui qui maîtrise le fiqh, C'est-à-dire, la jurisprudence, avec ses fondements, n'aura pas forcément besoin de connaître les détails, car ils rentreront automatiquement dans le général. Car ils rentreront automatiquement dans ces grandes bases qu'on va voir, bi'idhnillah, ces cinq grands fondements de al-fiqh, de la jurisprudence. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منظومته في القواعد مبينا بعض فوائد دراستها. السعدي رحمه الله il montre l'importance dans une manzouma d'étudier ses fondements de jurisprudence. Il dit فحرص على فهمك القواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي ضرب الذي قد وفق. Et Saadi dit dans cette manzouma, il dit, sois attentif à comprendre les fondements, regroupant les grandes questions. T'évolueras dans la science avec une bonne évolution. Et tu suivras ainsi la voie de celui qui a été bien guidé. Et tu suivras ainsi la voie de celui qui a été bien guidé. وكذلك نظم منظومة ابن أبي قفة في قوله وهذه خمس قواعد وهذه خمس قواعد ذكره أن فروع الفقه فيها تنحصر هي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل وللمقاصد الأمور تتبع وقيل ذي إلى اليقين ترجع وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. Ici, Ibn Abi Qufa, il a fait une manzouma, il dit, ceci sont les cinq règles citées, dans lesquelles les branches de jurisprudence sont mentionnées. C'est la certitude, son jugement n'est pas repoussé. Avec le doute, au contraire, le jugement de la certitude est appliqué. Et le préjudice doit s'enlever. Et la facilité avec la difficulté est là lorsque elle est trouvée. Et toute chose dans laquelle l'habitude rentre, dans celle-ci, il est autorisé de vrai. Et pour les finalités, les choses sont suivies. Ceci dit, vers la certitude est retourné. Ainsi que les bonnes mœurs, ceci sont les cinq règles dans lesquelles personne n'a divergé. Ceci sont les cinq règles dans les cinq fondements, hein, que personne a divergé dessus. وبإذن الله سندخل في شرح هذه القواعد وهذه donc on va expliquer ces cinq grandes règles, les cinq grands fondements. Et بإذن الله sous chaque fondement il y a des sous-fondements, si on peut dire ça comme ça. Il y a des sous-fondements, des règles qui ont été acceptées تقبلت الأمة وعملوا بها. فتعريف القاعدة الفقهية. Donc pour expliquer c'est quoi القاعدة الفقهية, le fondement de jurisprudence. Qu'est-ce que ça veut dire? Laura, on avait vu que القاعدة c'est le fondement, الأساس, la base, حسياً أو معنوياً, que ce soit sensoriel ou moral, c'est la base. واصطلاحاً يعني dans la religion, dans la législation d'Allah جل وعلا, الحكم هو حكم كلي يستفاد منه أحكام جزئيات كثيرة. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une loi légiférée globale, générale, à partir de laquelle on déduit des lois en détail. À partir de laquelle on déduit et on montre qu'il y a des lois en détail. حكم كلي يستفاد منه أحكام جزئيات كثيرة. Plusieurs, on déduit d'un grand حكم, d'une grande loi, d'un grand jugement, on déduit plusieurs sous-jugements. هذه هي القاعدة. C'est le fondement في الشرع, dans la législation. أما الفقه, la jurisprudence, هو في اللغه هو الفهم. En langue arabe, la jurisprudence, c'est la compréhension. هذه في اللغه, dans la langue arabe. واصطلاحا هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. Donc, et al-fiqh, la jurisprudence en langue, dans la législation d'Allah Jalla wa Ala, c'est connaître les jugements de législation dans les actes à partir de ces preuves détaillées, à partir des preuves qui sont détaillées, tafsiliya. Donc, هذه القاعدة الفقهية. Donc, on a deux mots, قاعدة فقهية. Fondement de jurisprudence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire حكم شرعي فقهي. يستفاد منه أحكام جزئية كثيرة. C'est حكم شرعي. C'est les fondements de la jurisprudence. C'est حكم شرعي. C'est un jugement légiféré فقهي de jurisprudence أغلبي. Majoritaire, يستفاد منه أحكام جزئية كثيرة. يعني يستفاد منه, on déduit, à partir duquel on déduit des jugements détaillés. À partir duquel on déduit des jugements détaillés. Donc, قواعد الكبرى هي كثيرة, ولكن المعلومة عند كبار أهل السنة والجماعة وعند كبار المحدثين هم خمسة. Donc, c'est cinq règles. والقاعدة الأولى هي الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. C'est-à-dire que les choses sont faites selon l'intention ou selon leur finalité. هذه قاعدة. Les choses sont faites selon leur intention, selon la finalité. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. La deuxième des règles, parmi les grandes règles, c'est اليقين لا يزول بالشك. La certitude n'est pas repoussé avec le doute. La certitude n'est pas repoussée avec le doute. Al-qa'ida al-thalitha, la troisième règle ou le troisième fondement, al-mashaqqatu tajlibu al-taysir. C'est la difficulté mène à la facilité. La difficulté mène à la facilité. Wal-qa'ida al-rabi'a et le quatrième fondement, c'est ad-dararu yuzal. Ou wujub izalatu ad-darar, comme ils disent les ulama. Wujub izalatu ad-darar. C'est-à-dire qu'il y a obligation de repousser le mal ou de rejeter le préjudice. Repousser le préjudice. Wal-qa'idatu al-khamisa, al-'adatu muhkama. Ou qa'idat al-'urf. Et le cinquième fondement, c'est al-'adatu muhkama. C'est-à-dire les bonnes mœurs ou al-'urf. Al-urf, c'est-à-dire la coutume et quelque chose qui est connu à condition, et on verra bien là, à condition que ça soit pas contre ce que Allah a légiféré. Faut pas que ça soit en contradiction avec les lois d'Allah, Jalla wa Ala. Donc, bien là, on va voir chaque qaïda, chaque fondement de ces fondements de fiqh, de jurisprudence, et on va voir, l'explication de chacun. Donc le premier qu'on a vu, c'est al-qa'idatul oula, le premier fondement, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha, c'est-à-dire que les choses sont faites selon leur finalité, selon l'objectif, selon l'intention. Wa al-maqsad, al-umuru bimaqasidiha, al-maqsad huwa jam'u huwa al-maqasid, yani al-maqas huwa jam'u maqsad wal-maqsad والقصد النية والإرادة. C'est-à-dire النية, c'est-à-dire c'est l'intention, المقصد يعني la finalité ici. النية c'est l'intention والإرادة, c'est-à-dire ce qui pousse le corps à œuvrer. والتوجه لفعل الشيء, ce qui pousse le corps à aller vers la chose et aller œuvrer et mettre en pratique cette chose-là. والمقاصد اصطلاحا هي الأمور الباعثة على العمل. المقاصد, c'est les choses qui te poussent à œuvrer. C'est les choses qui te poussent à œuvrer. Donc par exemple, l'amthila li hadhihi al-qa'ida, donc on va voir des exemples pour ce fondement. C'est quelqu'un qui donne, à la sabil mithal, quelqu'un qui donne 100 dirhams. لوجه الله جل وعلا. Quelqu'un il donne 100 dirhams pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche la satisfaction d'Allah jalla wa ala. Fahiya sadaqatun maqboula. Donc c'est une sadaqa qui est acceptée bi idnillah. Wa man a'ta hadha ash-shay' li ajli ath-thana' aw li ajli ar-riya' aw li ajli ash-shuhra. Fa hadha mardudun alayh. Donc celui qui donne ces 100 dirhams à quelqu'un, mais pour que on lui fasse des éloges, pour que on dise mashallah il a donné fi sabilillah. Donc celui-là son acte est retourné, il n'est pas accepté. Et aussi on a le cas de celui qui donne quelque chose mais il n'a pas l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, et où il n'y a pas riya, il n'y a pas l'ostentation dans cet acte-là, il n'y a rien, il n'a pas mis l'intention du tout. Ici on dit هذا عمل لا يثاب عليه. Ici on dit que cet acte-là, la personne elle n'a pas de récompense dessus. Aussi on a un autre exemple pour montrer que les choses sont faites. On verra bien le hadith sur lequel les savants se sont basés pour déduire cette qaïda, ce fondement. Aussi on a l'exemple de celui qui se lave. Donc il se lave juste pour enlever la saleté ou pour se rafraîchir. On a l'exemple de cette personne-là et on a l'exemple de celui qui se lave pour faire le wudu, pour enlever le hadath, pour faire les ablutions, pour prier. Donc ici on a deux choses. Ici l'intention, al-maqsad, donc la finalité vient jouer un rôle primordial. Elle différencie les actes. Et donc le dalil pour ce fondement au hadith d'Omar رضي الله عنه كما تعلمون قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc la règle de ce hadith, c'est la preuve de ce fondement, c'est le hadith que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a rapporté. Le hadith, il est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Le prophète alayhi sallam, il dit, les actes ne valent que par les intentions. Et chaque personne aura ce qu'elle avait l'intention de faire. Donc, pourquoi niya? Chacun doit se demander pourquoi niya, pourquoi l'intention dans les actes. Wama gharado, pourquoi on doit mettre l'intention dans les actes. Awalan, première des choses, c'est tamyizu al-maqsoud bil am, c'est-à-dire ici on doit faire la distinction par rapport à l'acte qu'on veut faire. Donc ici, si l'acte qu'on fait, la finalité est que on le fait pour la face d'Allah jalla wa ala, en cherchant sa satisfaction subhanahu wa ta'ala avec ikhlas, ou est-ce que l'acte que tu le fais pour que les gens te font des éloges? Si tu le fais parce que les gens te font des éloges, hadha amrun mardud, comme on l'a vu, si tu le fais pour que les gens disent que voilà un tel mashallah il donne, ou voilà donc cet acte là il t'est retourné. Et si tu fais cet acte d'adoration pour autre que Allah, ici c'est du shirk akbar, ici c'est de la mécréance qui fait sortir carrément de l'islam. Et aussi pourquoi on a besoin aussi de niya, de l'intention, c'est pour différencier al-ibada, c'est-à-dire l'adoration, l'acte d'adoration de al-ada, des habitudes, comme on l'a vu précédemment. Tamyizu mathalan tamyizu غسل الجنابة من الغسل للتبرد. C'est-à-dire ici faire la différence entre celui qui se lave pour enlever, il fait un grand lavage, il fait le grand lavage pour enlever le janaba, et on a la différence, et on a celui qui se lave l'été pour se rafraîchir. Donc ici an-niyya, elle joue un rôle. Et aussi on a tamyiz al-ibadat al-mutamathila, on a aussi faire la différence, ni elle joue un rôle aussi pour différencier les actes d'adoration qui peuvent se ressembler. C'est-à-dire, on va donner des exemples, c'est tamyiz sunnat al-fajr ma'a salat al-fajr. Donc vous savez que sunnat al-fajr, la sunna du fajr, elle est au nombre de deux unités. Et on a Salat Subh qui est au nombre de deux unités. Ici, elle niya, elle fait la différence entre les deux. Ici, niya, l'intention, elle différencie les deux. D'accord? Et aussi, on a tamiz, on a aussi l'intention, elle joue un rôle aussi lorsque, par rapport au jeûne, celui qui fait un jeûne surérogatoire et celui qui fait un jeûne obligatoire. Et ici, il y a niya qui vient faire la différence entre les deux actes d'adoration. Donc ici, niya, elle joue un rôle pour différencier les actes qui se ressemblent. Ensuite, on a ce que les gens devraient faire, c'est la finalité, l'objectif de la niya dans les actes, c'est aussi de transformer l'adat, c'est-à-dire les habitudes qu'on fait, il est ibadat, les transformer en actes d'adoration. Donc, par exemple, l'akl ou shorb, le fait de manger, de boire, ou naum. Donc, si tu as l'intention de faire ces actes-là, donc c'est des actes que tout le monde fait, mais si toi tu les fais avec l'intention de te fortifier pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras bi'idnillah récompensé. Donc ici, mais tu as eu l'intention de faire ceci pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, al-nafaqa ala zawja. Al-nafaqa ala zawja, celui qui travaille pour nourrir ses enfants et sa famille, notamment sa femme, s'il le fait avec l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, il sera récompensé. Et il aura du ajr bi'idnillah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, comme ça a été rapporté dans le hadith al-sahih, hatta al-luqmata allati yada'uha fi zawjatihi illa wa hiya lahu sadaqa. Jusqu'à que la nourriture qu'il met dans la bouche de sa femme, elle est considérée comme sadaqa, mais à condition qu'il le fasse avec une bonne intention. Et aussi, donc ici on a ça, on a vu gharad, le gharad min al-niyya. Qu'est-ce que on peut déduire et c'est quoi l'objectif de l'intention dans les actes. Donc il y a des sous-fondements de cette règle, c'est-à-dire que les actes ne valent que par l'intention. C'est la thawab illa bin niyya. On a la règle, il n'y a de récompense qu'avec la bonne intention. Il n'y a de récompense qu'avec la bonne intention. C'est-à-dire, pourquoi tu as fait cet acte-là? Donc, celui qui reste dans une mosquée pour avoir, juste pour s'abriter de la pluie ou du soleil, c'est pas comme celui qui fait l'i'tikaf à la Mecque. Donc, l'intention, elle joue un rôle, c'est-à-dire que grâce à la niya, grâce à l'intention, on est récompensé. Donc ça, c'est par rapport à la première règle qu'on a vue. On passe bidnillah à la deuxième règle, au deuxième fondement, c'est al-yaqinu la yazulu bishak. Al-yaqinu la yazulu bishak, c'est-à-dire la certitude n'est pas repoussée avec le doute. La certitude, lughatan, al-yaqin huwa l'istiqrar. Al-yaqin huwa l'istiqrar. Lughatan, en langue arabe, al-yaqin, c'est la stabilité. Ma'khudun min qawlihim yaqan al-ma'u fil hawd. Donc, ils ont déduit ce mot-là, de la phrase, yaqan al-ma'u fil hawd. C'est-à-dire que l'eau, elle s'est stabilisée, dans le lac. Elle ne bouge plus. Al-muradu بِالْيَقِينِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لَا تَرَدُّدَ مَعَهُ. Ici, الْيَقِينِ, c'est quoi? C'est la science dans laquelle il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation, c'est-à-dire عِلْمٌ الْعِلْمُ الْمُتَيَقِّنُ فِيهِ. وَاسْتِلَاحِنِ, dans la législation, c'est l'apaisement du cœur. الْيَقِينِ, c'est l'apaisement du cœur. وَالشَّكُّ لُغَةً هُوَ التَّدَاخُلُ لأن الرجل لا يدري هو يمشي بين الأمرين هو يمشي ولا يستطيع الترجيح بينهما. Donc الشك, le doute, c'est la personne, en fait elle doute par rapport à deux choses. Elle sait pas si elle l'a faite ou elle ne l'a pas faite. Il peut pas, en fait il peut pas trancher, hein, au niveau de ces deux choses. واصطلاحا الشك donc le doute dans la législation c'est التردد بين وقوع الشيء وعدمه. Donc اصطلاحا dans la législation le doute c'est hésiter sur le fait si la personne elle a fait la chose ou elle ne l'a pas faite. والمراد بهذه القاعده donc l'objectif de cette قاعده c'est ان الشك اذا ورد على الانسان وكان عنده يقين سابق فانه لا يلتفت الى الشك. Donc c'est très très important, c'est اليقين مراد بهذه القاعده donc ce fondement c'est la personne si elle a le doute et que elle avait avant cela اليقين elle avait la certitude, elle se base sur quoi? Elle se base sur la certitude et elle ne suffit pas au doute qu'elle avait. Comme dans le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit la personne elle a l'impression d'avoir perdu ses ablutions. Elle est en pleine prière et elle entend comme quoi elle a le soupçon comme quoi elle a perdu ses ablutions. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit quoi? Il a dit qu'elle ne sorte pas de la prière jusqu'à ce qu'elle sente une odeur ou qu'elle entende un son de gaz. Donc ici le prophète alayhi sallam il dit voilà, la personne elle doute sur un truc, yutakhayyalu lahu. D'accord? Donc ici le prophète alayhi sallam dans ce hadith les ulama ils ont dit que voilà, la personne elle s'est basée sur al-yaqin, comme quoi elle a toujours ses ablutions. Donc mithal awwal, le premier exemple c'est man tayaqqana at-tahara wa shakka fi al-hadath fa innahu yabqa ala hukm at-tahara. Donc hadhihi oula. طيب. Qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est la personne, elle est sûre, elle a la certitude, comme quoi elle est en état d'ablution. Et elle doute sur le fait qu'elle a perdu ses ablutions. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, فَإِنَّكَ عَلَى طَهَارَ فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى حُكْمِ الطَّهَارَ. T'as tes ablutions pris. Et aussi un autre exemple, pour montrer, la personne, elle doute que... elle doute comme quoi elle n'a pas prié d'or. Elle sait pas si elle a prié d'or ou elle l'a pas prié. Qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce qu'on dit, on va dire que elle se base sur la certitude, elle a prié? Non, on dit que elle doit la prier. وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَةِ لِأَنَّ الصَّلَةَ مَشْكُوكٌ فِي فِعْلِهَا. Donc ici, الصَّلَةَ مَشْكُوكٌ فِي فِعْلِهَا. C'est-à-dire qu'on doute sur le fait que, est-ce qu'on l'a accompli? والاصل انه لم يصلي. Donc la base, le fondement, c'est on revient au fait que il n'a pas prié. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل. Donc دليل هذه القاعده comme on l'a vu, c'est hadith النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه البخاري ومسلم, حديث عبد الله بن زيد العاصم رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل له إلى l'impression أنه يجد الشيء في الصلاة, فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Qu'il ne sorte pas, qu'il ne parte pas, qu'il n'arrête pas la prière jusqu'à qu'il entende un son ou qu'il sente une odeur. Donc les sous-fondements de cette règle هو الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. C'est-à-dire que la chose elle reste telle qu'elle est, la chose elle reste telle qu'elle est comme elle l'était. La chose elle reste telle qu'elle est comme elle l'était. Si on peut traduire ça comme ça. C'est-à-dire si la personne elle doute sur le fait si elle a fait les ablutions après qu'elle les ait perdues, on dit t'as plus les ablutions. Car l'asl huwa baqa al-hadath. Car ici, l'asl baqa makan ala makan. Donc il n'avait pas les ablutions. Il n'avait pas les ablutions. Il doute que il a fait les ablutions. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il doute qu'il a fait les ablutions. On dit que non, tu es toujours en état d'impureté, c'est-à-dire que tu n'as pas les ablutions. Il faut que tu fasses des ablutions. Donc il doute sur la chose. Yani هذا الاصل بقاء مكان على مكان. C'est là les choses restent comme elle est, telle qu'elle est, les choses elles restent telles qu'elle est, les choses restent telles qu'elles sont. Donc, هذه في القاعدة اليقين لا يزول بالشك أو لا يرفع بالشك. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير c'est-à-dire les difficultés mènent à la facilité. Les difficultés mènent à la facilité. والمشقة هو التعب والجهد والعناء. Donc le mashaqqa, la difficulté, c'est être épuisé, faire l'effort. Wa taysir lughatan, donc taysir, la facilité, c'est la facilité, la douceur, l'yuna. Wal murad bi hadhihi alqa'ida, donc l'objectif et la finalité de ce fondement de jurisprudence, la difficulté mène à la facilité, c'est que des fois le musulman il a une difficulté, mashaqqa, c'est difficile pour lui d'accomplir certains actes d'adoration vu l'état dans lequel il est. Et on verra des exemples bi'idhnillah. Donc sharia, elle est venue pour faciliter cet acte d'adoration. Comme par exemple jawaz at-tayammum lil-marid badalan min al-wudu'. Donc on a l'exemple aussi de l'exemple de celui qui fait les ablutions sèches au lieu des ablutions avec l'eau car il est malade. Donc هذه رخصة, il a une autorisation. Il a une autorisation. Donc on a aussi جمع بين الصلوات lors du voyage ou lorsque vraiment il y a une intempérie, la neige qui tombe. Donc ici on a les donc le sharia, il est venu pour montrer, pour faciliter l'acte d'adoration. Et la preuve de ce dalil, de cette règle, c'est le prophète alayhi salatu wasalam, quand il a envoyé certains sahaba, il leur a dit yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira. Donc le hadith muttafaqun alayh, hadith par rapport à cette règle, le prophète alayhi salatu wasalam, il a envoyé des sahaba, il leur a dit rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا, et annoncez aux gens la bonne nouvelle et ne les faites pas fuir, et ne les faites pas fuir. وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah veut pour vous la facilité, faciliter les choses, et il ne veut pas, subhanahu wa ta'ala, vous rendre les choses difficiles, et il ne veut pas vous rendre les choses difficile. Donc cette qaïda, ce fondement, min asbab taysir, parmi les causes que Allah jalla wa ala rend les choses faciles, parmi les causes, c'est al-marad, on a vu le fait d'être malade, on a vu al-safar, la personne elle est en voyage, elle peut pas faire les prières à chaque heure, donc elle a l'autorisation de faire al-taqsir. On a al-nisyan, rufi'an ummati al-nisyan wal-khata, on a l'oubli, النقص بأي وجه من الوجوه, c'est-à-dire la personne فيها جنون أو طفل صغير أو المرأة فيها حيض ونفاس, donc elle a la femme elle a ses menstrues ou ses lochies. Donc sharia elle vient pour faciliter ces choses-là. Les fondements qui viennent sous cette catégorie de jurisprudence, c'est الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات, c'est-à-dire la nécessité autorise à faire des choses interdites. La nécessité autorise à faire des choses interdites. Et l'exemple de cela, ibahatu akli al-mayt, c'est-à-dire ici on a l'autorisation de manger un cadavre si on est dans un Sahara et qu'il n'y a personne, il n'y a que ce cadavre. Ici et on applique cette règle, الضرورات تبيح المحظورات, c'est-à-dire la nécessité autorise à commettre l'interdit, à faire l'interdit. Mais on verra la nécessité à des degrés. Ici, on a une autre sous-fondement par rapport à ce grand fondement. C'est الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر بقدرها. C'est-à-dire, la nécessité est évaluée selon son degré. La nécessité est évaluée selon son degré. À titre d'exemple qu'on va donner, إذا لم تجد المرأة المريضة إلا طبيبا وهو رجل واحتاج العلاج إلى مسها فماذا نقول؟ نقول أنه يعالجها وأنه يمكن له أن يمسها ولا يجوز مس إلا المنطقة التي يحتاج إلى علاجها. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette personne, ce médecin-là, il peut toucher cette femme, mais il touche l'endroit qu'il doit opérer seulement. Il ne doit pas s'étaler et toucher les autres parties de son corps. Ici, on dit la nécessité, d'accord, donc il n'y a qu'un homme pour opérer une femme malade, il n'y a pas de femme pour l'opérer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit à ce médecin? D'accord, tu vas la toucher, mais tu touches l'endroit que tu dois opérer, pas plus. C'est pour ça que ici la nécessité, il y a cette règle là, la nécessité est évaluée selon son degré. Est évaluée selon son degré. Donc c'est pas l'homme. Oui, bon, il est nécessaire que l'homme opère la femme, il n'y a pas de femme pour l'opérer. Oui, mais l'homme il doit pas faire ce qu'il veut. Mais هذه الضروره ليست مطلقه. Cette nécessité, elle est pas générale, il peut pas faire ce qu'il veut cet homme. D'accord. Aussi, on a un sous-fondement, c'est « إِذَا دَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ ». « إِذَا دَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ ». C'est-à-dire si la chose, quand elle est restreinte, elle devient vaste. La chose, quand elle est restreinte, elle devient vaste. C'est-à-dire que l'obligation de la prière en groupe, pour ceux qui ont des excuses, ils ont pas l'obligation de prier comme le mari. D'accord? La femme, son mari n'est pas là, et elle n'a pas le choix, il y a personne pour faire ses courses, elle peut pas sortir. Ici, parce que son mari n'est pas là, ici on dit, et où son mari il est mort, on dit pour manger, il faut que tu sortes, tu vas pas rester à la maison. Donc c'est pour ça cette qaïda elle dit إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع. Et aussi on a qaïda, on a aussi un fondement. La wajiba ma'a al-ajz. La wajiba ma'a al-ajz. Il n'y a pas d'obligation avec l'impossibilité. Il n'y a pas d'obligation avec l'impossibilité. C'est-à-dire que la personne elle ne peut pas faire une chose alors que cette chose, elle est obligatoire, mais elle ne peut pas la faire. Ici, on dit la harj. La harj. Donc, par exemple, la personne, elle a la main coupée. Et pour les ablutions, il doit se laver les mains. Elle a les deux mains coupées. Il peut pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette règle qui s'applique. Il n'y a pas d'obligation dans le cas de l'impossibilité. دونك طيب نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة. دونك ان سي كونسيرن نبيع المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. دونك بإذن الله اون كونتينيورا بإذن الله دان بروشان درس اون بارلان دو الضرر يزال او القاعدة لا ضرر ولا ضرار. بإذن الله اون بغاست ce fondement de الضرر يزال, c'est-à-dire que le préjudice ou le mal doit être repoussé. بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.